Alors bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode de C'est juste un autre podcast. Je me présente, mon nom c'est Luc Desormeaux. Quelques-uns d'entre vous me connaissent à travers Twitter parce qu'on jase de temps en temps. Je vais vous présenter les personnes qui vont faire le podcast avec moi. Premièrement, mon ami Simon. Salut Luc. Bonjour Simon. Ma conjointe Annick qui va nous rejoindre de temps en temps pour quelques sujets. Bonjour Annick. Bonjour. Et moi-même. On va faire un petit tour là, à savoir ce que les gens vont parler pendant le podcast. On va avoir divers sujets. Simon, toi, de quoi tu vas nous parler d'habitude? En fait, moi, mon temps sur le podcast sera de vous faire connaître et apprécier les jeux en ligne massivement multijoueurs, communément appelés les MMO ou MMORPG spécifiquement, parce que j'aime bien ces petits jeux, ces jeux-là, que les MMO en général. Là. Donc, je vais pas mal fixer là-dessus. Là. En passant, je voulais juste souligner qu'on va utiliser beaucoup d'acronymes anglais. Je crois que les gens vont facilement faire une transition là-dessus. Mais plus tard, éventuellement, là, je vais faire un lexique des mots utilisés à propos des jeux sur la page du web du podcast. Là. OK. C'est beau. De toute façon, les comme on parlait déjà un peu avant, les MMORPG, moi, je connais rien là-dedans. Oui, j'ai entendu parler de Diablo, World of Warcraft, que je n'ai pas joué. Donc, j'ai jamais essayé ça. Fait que c'est pas un sujet que je connais beaucoup. Mais de toute façon, on parlera pas de World of Warcraft parce que je crois qu'il y a d'autres qui ont vraiment amplement parlé de ce sujet-là. Là. Donc, on peut dire que c'est pas mal fini. On a fait le tour. Je pense que c'est couvert. Ouais, exact. OK, mais c'est ça. Fait que je vais apprendre en même temps que les auditeurs là, à savoir comment ça fonctionne, comment ça joue, qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Ça va me faire plaisir de vous rendre accro. Je suis certain. Puis on va tout taillir. Ah, oui. Bon, et bonjour Annick. Bonjour. Toi, tu vas nous parler de... Des jeux occasionnels. OK, fait que c'est les petits jeux de casual gamer, les jeux qui se jouent rapidement. Oui, pour les gens qui sont occupés et qui n'ont pas 2 heures à donner par jour. Comme toi. C'est ça. OK. Puis moi, Luc, je me représente jusqu'au cas où vous auriez oublié depuis le début. Moi, je vais vous parler un peu du reste, là, ce qui n'est pas... MMORPG, donc les jeux réguliers sur Xbox, PC de temps en temps. On va couvrir un peu la musique, moi puis un peu tout le monde, là, si on a un album à vous présenter. Un petit peu de techno, mais il y a déjà beaucoup de podcasts qui sont très bons là-dedans, fait qu'on passera pas trop de temps à vous présenter des iPads, des choses comme ça. Il y a des super bons podcasts qui font ça super bien. Puis on va parler de films aussi, on est tous des maniaques de films ici, puis je pense que la plupart du monde, je connais pas grand monde qui dit « Ah oh non, moi les films, m'a passé mon tour », fait qu'on va passer ces sujets-là. Donc, c'est ça, on commence sans plus tarder. Bon, pour notre premier sujet de la journée, de cette émission, je vais vous parler de musique, fait que ça va être le premier segment musique d'avis de ce podcast. Je vais vous parler du nouvel album de Simple Plan que je me suis procuré à peu près, je pense que c'est la semaine passée. Bon, moi, je suis un amateur de Simple Plan depuis un petit bout de temps. Là. C'est une amie, Annick, qui nous a comme initié à ce groupe-là. Elle est arrivée avec l'album à la maison, maintenant, on a écouté des chansons. Puis moi, le lendemain, je suis allé dans un magasin pour m'acheter l'album parce que je le trouvais vraiment bon. Puis il a tourné en boucle dans mon auto là, pour un petit bout de temps. Fait que quand j'ai vu qu'il sortait un nouvel album, je suis allé le chercher. Puis, franchement, là, je l'ai trouvé pas mal bon. On va même en écouter un petit extrait là, pour vous donner une idée de la chanson principale de l'album, là, qui est la première piste, qui s'appelle Jetlag. Jet lag. Alors, nous sommes de retour et comme je vous disais, c'est le nouvel album de Simple Plan. La chanson, c'était Jetlag. Le bout de piste que je vous ai fait écouter, c'est la version que Simple Plan a fait en français, en partie en français, avec Marimé. C'est une piste qui est disponible seulement dans la francophonie, là, aux États-Unis. L'album, cette piste-là n'est pas dessus. C'est avec une artiste anglophone là, que Jetlag a été enregistré. Mais nous, sur l'album, si vous l'achetez, vous l'avez deux fois. Une fois en français avec Marimé, puis une fois en anglais. Donc, il y a 11 pistes en tout. Le Jetlag, c'est pas la première piste de l'album, c'est le premier extrait qui a été tiré de cet album-là. Il y a plusieurs autres chansons, là. Certaines qui sont plus rythmées, certaines qui sont un peu plus douces. Donc, il y a Jetlag, il y a You Suck at Love, qui est aussi une chanson un peu plus rythmée. Il y a une chanson qui est plus douce, qui est Gone Too Soon. Moi, il y a une petite toune que j'ai bien aimée. Je ne sais pas si ça va passer inaperçu, là, mais c'est une petite chanson d'été qui s'appelle Summer Paris, qui est la piste numéro 8. Je vous dirais, là, en majeure partie, c'est un très très bon album. C'est un album que moi je peux mettre dans l'auto puis que j'ai pas le goût de passer une piste. Ce qui est très rare, là. Je suis du genre à acheter un album, aimer trois chansons puis passer par-dessus le reste, là. Celui-là, je l'écoute du début à la fin. Puis même quand il finit, il recommence au début puis je me tanne pas. Je suis un amateur de musique, j'en écoute beaucoup. J'ai beaucoup de CD à la maison, même un peu trop. Je suis amateur de musique depuis que je suis tout jeune. Même mon premier groupe que j'ai beaucoup aimé, c'est Bon Jovi. Puis même eux autres aujourd'hui, il y a des albums là, que j'aime deux ou trois chansons puis je passe par-dessus le reste. C'est pas le cas avec Simple Plan. J'ai tous leurs albums. Les trois albums qu'ils ont fait, les quatre albums qu'ils ont fait, excusez-moi, sont à mon avis très bons. Puis je le recommande fortement. Bon, alors on va passer à notre deuxième sujet. Simon, tu vas nous parler de MMORPG. Oui, exactement. En fait, pour moi, j'ai une profonde attirance pour les jeux en ligne, surtout de type asiatique, coréen, entre autres, ça peut être aussi chinois, là, tous ceux qui font, en fait, avec des graphiques, dans le fond, qui ressemblent aux animés japonais. Animés japonais qu'on va aussi parler, j'ai oublié de le mentionner au début du podcast, là, mais on va aussi avoir une petite section où on va vous parler de temps en temps d'une série d'animés japonais ou d'un film ou quelque chose comme ça. Comme Simon dit, il y a une attirance pour les jeux, mais mm-hmm. Il y a aussi une attirance pour les animés japonais en tant que tel, c'est ça? Oui, exact. Donc, on pourra en reparler. Donc, ça, c'est à suivre. Présentement, si on tombe dans le vif du sujet, en fait, pour certains d'entre nous là, qui ne savent pas ce que c'est un MMO, un MMORPG, ça se trouve être des jeux en ligne massivement multijoueurs où ce que on est vraiment beaucoup à jouer et non pas juste 1, 2, 4, 32. On est vraiment on peut être jusqu'à 1000 et plus à jouer en ligne. Et donc, un MMORPG, ben, en fait, en français, ce serait un jeu de rôle en ligne là, massivement multijoueur. OK. Donc, l'univers de ça, c'est un monde persistant et les personnages ou avatars des joueurs se trouvent dans un monde là, où ce que le temps, ça évolue proportionnellement à celui de la réalité. Ce qui se passe, c'est que le monde évolue en permanence. Donc, les joueurs qui sont connectés, et puis s'il y en a un qui décide de quitter le jeu pour revenir juste plusieurs heures ou même plusieurs jours plus tard, il ne retrouvera pas forcément là, le jeu tel qu'il était parce qu'il peut avoir eu des cycles de jour et de nuit. OK, fait que le monde sera pas. Son bonhomme n'est pas gelé dans le temps. Quand non. Il va revenir, s'il est parti, mettons, dans le jour, il peut revenir, puis ça va être la nuit. Exact, parce que ça l'arrête vraiment pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des mises à jour pour corriger des fois des problèmes qu'on a eus en tant que tel, parce que les jeux, comme on le sait bien, des fois, ils sont poussés un peu trop vite, et il faut corriger certains problèmes. Ça n'existe pas, c'est des jeux poussés trop vite? Pas du tout, pas okay. Du tout. Sarcasme. Exact. Et donc, ou encore, ils vont ajouter des événements, donc des events, où ce que les gens vont participer à un événement, où ce qu'il y a des prix à gagner, des costumes, peu importe. Donc, ça fait partie vraiment d'un monde où ce que c'est vraiment agréable à jouer. Okay. Et donc, selon le jeu, le monde a pu être vraiment modifié, soit en profondeur ou pas, mais dans le pire des cas, c'est que le monde continue constamment. Je voulais faire un petit saviez-vous. En avril 2004, l'armée des États-Unis avait annoncé qu'elle était en train de développer une simulation d'entraînement massivement multijoueur. C'était appelé AWE, pour Asymmetric Warfare Environment. qui est un environnement de guerre là, asymétrique. Son but était de former des soldats pour la guerre urbaine. Et malheureusement, non, il n'était pas prévu que le logiciel soit commercialisé. Alors, c'est dommage, mais... Fait que ça a pas vu le jour. Ça a vu le jour pour l'armée, mais exact. Ça a pas vu le jour pour le commun des mortels. Exact. Donc, ça a été mis à jour présentement, là, mais... C'est pas accessible. Depuis 2004. Non, c'est pas accessible pour nous. Donc, OK, si on regarde les jeux, je voulais juste faire une petite parenthèse. Les jeux ont fait une mention d'une controverse. Donc, je voulais absolument là, discuter avant de procéder à expliquer un jeu, en parler entre autres. Comme ça, vous aurez été au moins prévenus. OK. Il y a un risque, dans le fond, lié à cette pratique-là, que les gens sont pas tout d'accord, là, mais... C'est une pratique excessive de ce type de jeu de vidéo. En effet, si on regarde les joueurs, dans le fond, on développe une dépendance à ces jeux en ligne-là. C'est un phénomène qui a été vraiment très médiatisé depuis les dernières années, là. Ce qui se passe, c'est que les joueurs, on est désigné dans le milieu du MMO comme étant des no-life, des sans-vie. Pourquoi? Parce qu'ils font juste ça, jouer en ligne, jouer en ligne, jouer en ligne. Donc, ils n'ont plus de vie réelle, plus de vie externe, ils coupent tout. Et c'est pour ça qu'on les appelle des no-life. Cette dépendance-là est en elle-même là, vraiment différente de celle liée à un jeu vidéo qui est hors ligne, un jeu de console. Ce type de jeu-là est vraiment plus addictif parce qu'il est impossible de sauvegarder le jeu puis de le reprendre à l'endroit où ce qu'on en était. Donc, ça continue tout le temps. Là. Puis aussi, j'imagine que le monde veut que leur bonhomme vienne plus fort. Fait que c'est comme tu veux toujours, toujours, toujours continuer. Puis exact. C'est pas un peu comme un jeu en ligne où tu as une histoire bien écrite puis que tu sais que tu vas te ramasser à tel niveau, ton bonhomme va être à tel niveau après telle section du jeu. C'est complètement différent. Ouais, c'est ça. Le jeu aussi étant confronté à d'autres joueurs, donc la notion de compétition entre en jeu. Puis souvent, c'est lié avec le temps même passé dans le jeu. Donc, tu veux comme battre les autres à dire, regarde, je vais passer le plus de temps possible pour devenir celui le plus fort, qui est le plus équipé, le meilleur, en fait. C'est vraiment ça que ça retourne. Puis, donc, dans le fond, tu te retrouves parce qu'en étant joueur, tu n'es plus le centre du jeu vidéo, tu es juste un élément, là. Donc, c'est vraiment un peu différent ici. Par ailleurs, l'interaction avec les autres joueurs aussi peut même également être un élément additif parce qu'il se crée des liens. Lorsque tu participes à une guilde, donc que tu fais des missions ensemble, entre autres, mais il y a un lien qui se crée entre les joueurs, puis que même après ça, on peut se parler sur Skype, tu te crées des ventrilos, est-ce que tu vas parler en TeamSpeak, tout le monde ensemble. Amis. Tu te fais des amis, que ce soit sur Facebook ou autre, donc ils se créent. Puis il y a même des gens aussi qui se rencontrent. Le petit point aussi, en rapport avec l'addiction que je voulais faire, c'était aussi un couple de Coréens, en fait, qui avait un enfant. Et ils ont fini par être poursuivis par la justice parce que leur enfant est décédé suite à cause, justement, que ce couple-là était vraiment trop accro au jeu. Et l'ironie du sort, c'est, je crois, si je me souviens bien, c'était Prius Online, dont le jeu consiste à élever un enfant virtuel. Donc, le nourrir et tout ça, le voir grandir, évoluer. Et ils étaient tellement à l'intérieur de ce jeu-là qu'ils ont oublié leur enfant réel. Fait qu'ils ont élevé un enfant virtuel puis ils ont laissé mourir leur enfant réel. C'est la beauté de la chose, oui, c'est en effet. C'est comme jouer à Nintendog sur ta Nintendo DS et laisser ton chien mourir. C'est ça. Tu oublies de lui donner de... Hein, à manger. Ouais, c'est un peu. Ouais, je me rappelle, ça avait été assez médiatisé. On avait entendu parler. Je pense que tout le monde a à peu près entendu parler. C'était un peu. Horrible. C'est assez ironique. Ouais, c'est assez horrible là, comme histoire. Là. Ouais. Donc, en conclusion, là, si on fait vraiment la part des choses, il y a une vie à l'extérieur. C'est juste un jeu. Donc, si on y consacre du temps de la même manière qu'un jeu de table avec des amis, ben, je crois que. Tu sais, comme toute bonne chose a une fin, si on n'abuse de rien, ben, on peut en profiter pleinement, puis avoir du plaisir. Là, qui est le but d'un jeu? Selon moi. Donc, ouais. C'est pas mal ça, en gros. Là. Donc, en fait, moi, j'ai créé une liste des 10 MMO que je crois qu'ils peuvent plaire à tous, là, selon leurs envies. Il y a des gens qui vont toucher plus à de la science-fiction, plus de la guerre politique et autres, ou juste un jeu vraiment qui est juste cute, comme ce que moi aussi j'aime bien, malgré tout. Là. Pour l'instant, j'ai pas fait cette liste-là avec mon numéro 1. Je partage juste ceux que j'ai trouvé intéressants à jouer, qui vont nous faire passer des heures et des heures devant notre petit écran. Donc, j'ai pas vraiment joué à tous ceux que je vais mentionner là. Donc, je vous laisse le soin de vous amuser là, selon vos préférences. Les essayer. Toi, tu vas nous parler d'un prochain podcast. On va parler de certains jeux, dont un en particulier. Ouais. Puis après ça, j'imagine que tu vas nous en présenter d'autres qui pourrait intéresser d'autres genres de personnes. Exact, ou selon ce que les gens vont vraiment nous amener à dire que j'aimerais parler de ça et ça, ben, il n'y a aucun problème là-dessus. Okay. Là. Parfait. Donc, en gros, c'est ça, il y a Aion qui présentement est très fort, surtout au niveau du côté graphique. Les graphiques sont fantastiques, c'est fabuleux, c'est vraiment beau, tu te mets à voler là-dedans, c'est vraiment génial. C'est vraiment à recommander pour ceux qui veulent essayer ce jeu-là, là, je vous le recommande fortement. Okay. Il y a aussi Rift qui vient de sortir, ça je ne l'ai pas encore essayé, mais ça fait jaser présentement, là, donc ça serait un bon là, à voir là-dessus. Je pourrais peut-être en reparler si j'ai le temps là, d'aller regarder ça. Il y a Bright Shadow, qui est un autre jeu à venir. Présentement, il n'est pas encore sorti. Ça semble prometteur, ça semble bien, là. Donc, celui-là aussi, là, à regarder. Blade and Soul, ça aussi, c'est à essayer. Je ne l'ai pas essayé encore. On va pouvoir peut-être en rediscuter. Il y a un jeu un petit peu que je considérerais dans ce monde-là rétro, c'est Rapples. Moi, quand j'avais arrêté, j'étais rendu à Epic 5, mais là, ils sont rendus encore plus haut. Donc, je ne sais pas à quel niveau qu'on est rendu, le plafond là, à aller chercher et autres du tout, mais c'était quand même très, très bien. Des bons souvenirs de jeux là, en ligne. Ouais, Rapples en est un que j'avais essayé brièvement. OK. Puis, j'avais trouvé ça le fun. C'était pas tellement bon, fait que j'ai comme mis ça de côté, puis j'ai commencé à jouer à d'autres choses, mais c'était le fun, Rapples, j'avais pas détesté. Ouais, j'aime bien les animations de Rapples. Entre autres, il y a Runes of Magic. Ça, c'est très, très bon, j'ai bien aimé. Ça, c'est à élaborer, je vais peut-être éventuellement en reparler de ce jeu-là, mais je vous le conseille si vous voulez rechercher ça en ligne. Là. Okay. Pour les fans de complots politiques, puis aussi de vaisseaux spatials, il y a Infinity et aussi EVE Online. Ces deux bons jeux là où ce que les gens m'en parlent, je les ai pas essayés là parce que pour moi c'est pas quelque chose qui vient me chercher malgré que les vaisseaux spatiaux pas mal là, mais ouais. Plus côté politique, je suis un peu moins fort là-dessus là. Mais EVE Online, juste pour ajouter, puis je sais pas si tu en as entendu parler, il y a des rumeurs, même je pense que ça a été confirmé, il y allait avoir un jeu sur PlayStation et Xbox. OK. Qui est rattaché au monde de EVE Online, puis ça va permettre au monde qui joue à EVE Online de donner des missions de mercenaires. Wow. Pour aller conquérir des planètes, des choses comme ça. J'ai pas tous les détails, mais j'ai entendu ça un peu à gauche et à droite. Ça a l'air quelque chose d'assez intéressant. Ça serait le premier jeu MMORPG qui serait compatible avec les consoles, qui ferait comme un tout ensemble. Ça pourrait être intéressant pour le monde qui sont pas vraiment MMORPG, mais qui sont shooters ou quelque chose comme ça, dépendant comment le jeu est fait. Là. Exact. On en reparlera quand ça ressortira. Ça fera un espèce de petit lien entre console et PC. Exact. Qui est très rare. Mm-hmm. Il y a aussi ceux dont vraiment je vais jouer, Guild Wars 2, qui est à venir, que je crois que ça pourrait sortir d'ici peut-être décembre. Là, ça, je l'attends avec impatience. Il y a aussi Star Wars The Old Republic, que toi aussi... Tout le monde attend. Ouais, que tout le monde attend. Je crois que toi aussi, tu vas... Que je vais essayer si un essai gratuit pendant peut-être 15 jours pour me donner une idée. C'est pas mal la norme, donc je pense que oui. Puis si vraiment j'aime ça, ben... Ça pourrait être dangereux. On verra. Ouais, c'est à reparler. Et évidemment, enfin, je peux vraiment pas passer par-dessus le très attendu par mon père. OK, en fait, moi aussi, là, Diablo 3, qui vraiment, ça, c'est une, je considère ça comme étant une classe à part. C'est pas vraiment un jeu MMO en tant que tel, c'est pas massif, mais je vais quand même en parler parce que, bon, je crois que tout le monde connaît Diablo. Ouais. On va pouvoir en parler longuement, là, donner notre appréciation du jeu en tant que tel, parce que oui, je vais passer des heures là-dessus aussi. Puis ceux qui aiment Diablo, il y a Torchlight aussi. Oui, Torchlight, qui ont aimé ça, les gens qui ont aimé ça, Torchlight, ils vont faire un MMO éventuellement. Donc, j'attends la sortie, j'attends des nouvelles là-dessus, puis je vous reviendrai plus tard, parce que c'est un petit jeu quand même très agréable là, à jouer dessus. Oui, je l'ai commencé sur la Xbox. Il était en vente sur Xbox Live, je pense qu'il est 800 points. Là. OK. Puis c'est vraiment, c'est un hack and slash. Là. À la Diablo, tu ramasses. Ben, c'est les gens qui ont fait Diablo qui ont fait Torchlight. OK. Puis c'est vraiment, c'est presque la même chose en graphique amélioré du jour, là, au goût du jour, parce que si on rejouera au vieux Diablo, c'est assez rétro, oui, un petit peu. Mais quoi que mon père joue encore, c'est ouais, surprenant, là, mais... Oui, il aime ça, il adore ça. Donc, c'est ça, à peu près, c'est à peu près ça de... Pour moi, là, au niveau de ma liste, je pourrais peut-être vous en faire d'autres plus tard, là, mais éventuellement, mon prochain sujet, là, que je vais vous parler, c'est un jeu en ligne qui s'appelle Eden Eternal, C'est un jeu qui a été fait là, par X-Legend, mais qui a été acheté, donc les droits de licence par Area Games. Je vais pouvoir vous parler plus longuement de ça là, lors d'un prochain rendez-vous ensemble. Oui. Donc, c'est pas mal ça. Mais si vous avez toutefois des suggestions, ne vous gênez pas là, à mettre ça sur le blog, puis on va regarder ça ensemble. Si vous avez des suggestions, à la fin de l'émission, on va vous donner l'adresse de courriel où vous pouvez nous écrire. Juste à mentionner pour qui la question s'adresse, ou si vous parlez de mémoire RPG, aucun problème, je sais exactement à qui envoyer ça. On va envoyer ça à Simon. Je vais regarder ça de près. Puis on va pouvoir vous répondre si vous avez des questions précises pour ça. Si vous avez des suggestions de jeux, des MMORPG que vous avez essayé, qu'on n'a pas parlé, dans le monde du MMORPG, il y a ce qu'on appelle du free-to-play, puis il y a du pay-to-play. Oui, pay-to-play. Ça c'est quelque chose que je vais parler lors d'une autre chronique. Là. On en discutera des pour et des contre là, de ces deux genres de jeux-là. Parfait. Fait que ça c'est la section de Simon pour aujourd'hui pour les MMORPG. Au prochain podcast, il va élaborer plus sur Eden Eternal. Parfait. Merci Luc. Merci Simon. Bon, alors on va passer à notre prochain sujet. Je vais vous parler d'un jeu qui est c'est pas du rétro gaming, là. C'est pas un jeu qui date de 10 ans. C'est un jeu qui date de l'an passé, que j'avais pas eu l'occasion de jouer encore. J'hésitais à me le procurer. Je trouvais qu'il était encore un peu cher dans les magasins. Puis à un moment donné, un bon matin chez Future Shop, il vendait l'édition légendaire à 50$, c'est Halo Reach. Je me suis procuré l'édition légendaire, dont si vous regardez à gauche, j'ai la grosse figurine qui prend quand même assez de place. Puis il y avait d'autres choses aussi dans la boîte. Là, c'est une belle édition de collection. Ceux qui désiraient se la procurer là, est à 50$, à pas mal de place présentement. Au prix régulier, là, elle était 149 quand elle est sortie, ce que je trouvais un peu cher. Même Denis Talbot se l'était procuré. Puis quand il l'avait reçu, puis il l'avait ouvert, il avait été un peu déçu. Mais à 150$, là, comme j'avais dit sur Twitter, je la trouvais un peu dispendieuse. Mais à 50$, là, c'est pas mal awesome comme édition de collection. Là, parce que dedans, vous avez la figurine. Les figurines, qui est l'équipe de 6 Spartans du jeu. Vous avez aussi la boîte qui est l'édition Collectors. Ça veut dire que vous avez une boîte avec un livre dedans, qui est un livre quand même assez épais. Puis vous avez, comme de raison, le jeu aussi. Là. Mais si vous la trouvez à 50$, là, c'est un très bon achat. Le jeu en tant que tel, c'est bien, mais la seule chose que je peux reprocher un peu à ce jeu-là, là, c'est que vos personnages qui vous aident, parce que vous n'êtes pas tout seul. On est habitué dans Halo, c'est Master Chief, c'est une personne, on part. De temps en temps, on a une personne qui nous aide, là, qui va tuer un peu d'ennemis pour nous autres. Dans Halo Reach, j'ai vraiment trouvé qu'ils étaient cons comme des poignées de porte. Des henchmen, des mercenaires? Ah, c'est vraiment... Non, mais ceux qui sont avec toi dans ton équipe, à un moment donné, tu pars, tu t'en vas, tu fais une mission, tu t'aventures un peu, tu tues du monde, puis là, tu regardes en arrière, puis là, lui est comme... pogné sur le bord d'une roche, puis il bouge pas. Puis là, bon, OK, je vais avancer. À un moment donné, il va venir me rejoindre. Intelligence artificielle, en fait. Oh, ouais, c'est ça. C'est pas le jeu où ils se passent devant toi puis se font tirer? Ouais, un peu. Là. C'est toutes sortes de petites choses comme ça qui arrivent. C'est non, celui-là, c'est Medal of Honor. T'es en train de tirer quelqu'un, t'es en train de prendre ton fusil de sniper, tu tires quelqu'un, puis il passe en avant de toi. Là. Merci. Tu viens de me faire manquer ma cible. Ça, j'en parlerai peut-être un autre moment donné. Dans Halo, c'est vraiment plus qu'ils sont supposés être là pour t'aider quand ça leur tente. Là. Un moment donné, ils vont arriver. Oui, ils vont tuer des ennemis pour toi. Un autre moment donné, tu t'en vas dans un corridor ou entre deux montagnes. Tu t'en vas, puis là, tu sais qu'il y a plein d'ennemis en avant de toi parce que ton radar est rouge écarlate. T'as des points partout. Puis là, tu regardes en arrière, puis il est là-bas, il attend comme je sais pas quoi, je sais pas s'il s'est commandé une pizza, puis il a donné un point de rendez-vous au livreur, là, en tout cas. Il reste là, il bouge pas. Puis là, tu claires le niveau, t'as tué tout le monde, puis là, tout d'un coup, hop, il est rendu en avant de toi. Puis il est là, c'est comme, je sais pas par où ce qu'il a passé, mais dans ce niveau-là, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a rien qui peut venir le mettre en avant de toi. Fait que c'est le petit côté qui m'a un peu fatigué. J'espère que les développeurs vont t'écouter. Ouais, le problème qu'on a, les prochains jeux d'Halo, c'est pas Bungie qui vont les faire. Bungie s'est séparé de Microsoft, ils font leur petite affaire. Là, c'est un nouveau studio dont le nom m'échappe, là, qui vont faire les jeux de Halo, dont Halo 4, quelque part l'année prochaine, je crois, ou l'année d'après. Là. On a une nouvelle édition de Halo 1 qui va sortir en HD l'année prochaine, mais Halo 4, ça va venir plus tard. Puis c'est un nouveau studio qui couvre ça. Donc, pour Halo Reach, la campagne, je ne l'ai pas trouvée tellement courte. Là. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui avait quand même de l'allure. Encore là, moi, je me considère comme assis à sa clôture entre un hardcore et un casual gamer. Je joue à beaucoup de sortes de jeux, je joue pas mal, mais je suis pas du genre à jouer d'une traite longtemps. Je serais pas du genre à m'asseoir devant la télé puis jouer pendant 5 heures à un jeu. T'as pas le temps de toute façon? C'est ça, j'ai pas le temps de toute façon. Fait que je vais jouer une petite heure ici, 1h30, 2h là. Puis je vais avancer dans le jeu. Donc, vous savez exactement combien de temps le jeu dure, c'est un peu difficile. Peut-être 8 heures, peut-être 9 heures, peut-être 10 heures. J'ai pas trouvé que c'était court. On s'attache plus ou moins au personnage, là. On s'attache un peu quand même. Mais vous partez, vous êtes 6, puis à la fin, ben, vous les voyez mourir un peu, chacun leur tour, puis à la fin, il y a juste toi. Puis si vous attendez les crédits, il y a un mode qui s'appelle Survivez. Je sais pas s'il y a beaucoup des auditeurs qui ont pris le temps de regarder les crédits. Ils durent quand même assez longtemps. Moi, j'ai appris à temps en temps les regarder parce que parfois, on a des surprises, on a un niveau de plus, on a quelque chose. Tu peux pas les skipper? Faut vraiment que tu t'attendes? J'ai pas réessayé. J'ai pas un autre 10 minutes à attendre de regarder les crédits ou finir la dernière mission pour voir si je pèse sur A pour skipper, si j'ai quand même ce niveau-là. Peut-être qu'il y a du monde qui vont me dire que oui, on l'a. Là. Mais à la fin, t'as ton dernier personne qui s'appelle 6, qui est le dernier des 6 partants. Puis le mode, c'est survivre. Puis ça arrive de partout, puis tu t'enseures jusqu'à temps que tu meurs, parce que dans l'histoire, t'es supposé mourir. Là. C'est comme le monde des vaches dans Diablo, là. Il y en a de la vache. Si tu le dis. OK. je sais pas, je pourrais pas dire. OK, mais, c'est un bonus. Ouais. OK, mais c'est ça, fait que c'est quand même intéressant. J'ai quand même, je me suis quand même beaucoup amusé pour le prix. J'ai payé l'édition de collection, ça m'a amusé un bout de temps. J'étais quand même un fan de Halo, j'aime beaucoup la licence. Donc c'est un très bon jeu. Si vous le payez pas une fortune, je vous le recommande fortement. Ça fait patienter jusqu'à temps qu'on se ramasse avec Halo 4, qui est le retour de Master Chief. Parce que oui, comme Dom disait dans My Gamer, Master Chief est pas mort. Si vous regardez les crédits jusqu'à la fin d'Halo 3, on le voit qui est toujours vivant. Dormir dans une capsule jusqu'au début des événements de Halo 4. Donc, je donne-tu une note? Si je donnerais une note à Halo Reach, je donnerais probablement peut-être un 8. Les graphiques sont vraiment beaux. Ils ont vraiment là, peaufiné le graphisme. Il est vraiment, vraiment joli. C'est un des plus beaux Halo. Ils ont vraiment travaillé le moteur graphique. L'histoire est quand même bonne. On voit ce qui s'est passé sur Reach avant, parce que ça se passe avant les autres Halo. Il y a des livres qui sont sortis aussi sur cette histoire de stratégie l'histoire ou... de Reach. Non, c'est vraiment des livres à lire, des romans. Ah, OK. Sur l'histoire de Reach. Fait qu'on dans le jeu, on revit l'histoire de Reach, qui est une planète qui s'est faite complètement coloniser par des aliens, j'imagine. Oui, c'est ça. Les Covenants. Le nom m'échappait. Par les Covenants, ils ont totalement colonisé Reach. Puis les humains sont partis de là, ou ceux qui ont resté n'ont pas duré vraiment longtemps. Fait que c'est un bon jeu. La seule chose vraiment qui m'a déçu, c'est l'intelligence artificielle qui, quand elle devrait vous aider, n'est pas toujours au rendez-vous. C'est-tu sur quelle console, ça? Xbox. Juste ça? Halo est seulement disponible sur Xbox. Sur PC, il y a certaines versions qui sont disponibles sur PC. Les deux premiers Halo. Halo 1 puis Halo 2 sont disponibles sur PC, okay. 3 puis réellement sur Xbox 360. Donc, si vous cherchez un jeu d'Halo, un petit shooter à jouer là, en attendant Halo 4, Halo Reach c'est un bon choix. Bon, maintenant, après avoir parlé de musique et de MMORPG et de jeux vidéo, on va passer à un film. On a tous vu le film Transformers 3. Nous autres, on est assez chanceux. Moi et ma conjointe d'aller le voir en avant-première grâce à Cinémaniacs. Fait que Denis, merci beaucoup. Ça a été très apprécié, c'était bien agréable. Simon aussi, tu as vu Transformers 3 de ton côté. Bon, l'histoire, c'est un peu. C'est effectivement la suite du deuxième. Je pourrais pas vraiment aller. C'est pas un prequel, c'est pas. Ou un pré-épisode. C'est vraiment une suite. Dans le fond, les producteurs, ils s'attendent à ce qu'on ait déjà vu les deux premiers. Donc, ils savent, ils nous présenteront pas, dans le fond, les Transformers. On le sait déjà, on sait à quoi s'attendre. Fait que c'est le troisième. Ils te présentent et c'est pas une finale. Non. Et c'est une finale. C'est une finale, mais il y a des rumeurs qu'il y en aurait un quatrième. Non. Je sais que Michael Bay avait dit que c'était son dernier puis qu'il voulait plus en faire, mais des fois quand tu vois des recettes de millions et de millions de dollars, ça peut peut-être te faire changer d'idée. Assez tentant. Tu sais, des fois tu dis je pourrais m'acheter une maison dans les îles Fidji avec les recettes du prochain film, tu dis pourquoi pas. Un retour de Megan Fox? Je pense qu'on n'en parlera pas parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Les rumeurs sont diverses. C'est ça. Et effectivement, elle n'est pas dans le troisième film. Ils l'ont remplacée par quelqu'un d'autre. Je pense qu'elle fait quand même un bon travail. Son personnage a quand même plus d'importance dans l'histoire. Ben, je dirais pas crédibilité, mais plus dans. Au moins, elle fait quelque chose de constructif. Oui. Que juste se pencher sur des motos et montrer ses attributs. Mais quand même. C'est en effet, ouais. C'est ça. Je dis pas que Megan Fox n'est pas une bonne actrice, mais dans ce film-là, son rôle n'était pas nécessairement nécessaire. Non, c'était de courir. C'était de courir, c'est ça, c'est de courir. Et ça vient d'une femme. Donc, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est quand même. Ça prend une belle fille normalement dans la plupart des films, puis c'était la fille de circonstance. Et voilà. Dans Transformers 3, on retrouve un autre personnage. Qui est Carly, si je me rappelle bien son nom. Je pense que oui. Ou si je me trompe. Mais c'est le même personnage qu'on retrouvait dans les dessins animés dans les années 80. C'était vraiment la blonde de Sam, c'était Carly. C'était elle. À moins que je me trompe de nom puis j'ai l'air d'un imbécile, mais c'est très possible. Mais c'est quand même le même personnage. L'histoire est quand même bien. Je trouve qu'au moins dans ce film-là, les humains ont plus d'importance. Sont moins à l'écart, c'est pas juste les Transformers. Au moins, les humains essaient de se battre pour leur cause. Dans le deuxième, ils étaient là, mais ils se faisaient plus. Ils étaient plus là comme chair à canon que vraiment être capable de se battre puis de détruire des robots. Dans le troisième, les humains sont capables de tenir leur part de la bataille. Non? Oui? Ouais. C'est pas pire. C'est vraiment, il y a. Moi et Yannick, on a vraiment aimé Transformers 3. Simon, il a trouvé ça correct. C'est assez. Ça, pour moi, j'arrêterai là. Sérieux, ouais. La finale, là, de savoir juste quand t'as annoncé qu'il y aurait peut-être des rumeurs d'un quatrième, il va falloir qu'il nous épate un peu plus. C'est sûr que soit que je m'y attends peut-être à trop. Peut-être trop vu, puis Transformer, mais regarde, tu vois le 1, tu vois le 2, et puis là, déjà, tu commences, puis c'est pas en rapport avec Megan Fox, c'est vraiment le film, en fait, on en a vu assez de robots, j'ai aimé quand même Optimus avec le reste de sa vanne, ça, j'ai trouvé ça bien, mais ça reste des effets spéciaux, ils essaient de nous en mettre plein la vue, fait que oui, il y a de l'action, ça je suis d'accord avec, tu sais, dans le fond, le film Transformer, mais pour le reste, j'ai trouvé le scénario et autres, là, pour moi, un petit peu plus ouais, exact. Ma note elle va être sûrement plus basse là, que les vôtres, mais regarde, je te laisse en parler. Ben non, mais j'ai trouvé que l'histoire était quand même bien. Moi aussi, je trouve que ça clore bien l'histoire, ça ferme bien les livres, mais d'après moi, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui ont encore du potentiel à faire plusieurs films s'ils veulent. C'est sûr, il faudrait que les scénarios soient solides là, pour être capable de me convaincre d'en avoir plus. Mais, je veux dire, les gens vont en redemander. Là. Comme Harrison Ford avec Indiana Jones. Indiana Jones. Il devrait avoir un Indiana Jones 5. Les rumeurs sont que ça s'en vient. Même, je regardais cette semaine une vidéo sur Indiana Jones là, qui parlait à Steven Spielberg, puis lui, il était vraiment contre l'idée de mettre des extraterrestres dans le film. Puis c'est clair, puis c'est vraiment George Lucas qui l'a poussé à dire « Non, regarde, ça va être bon, ça va être bon. » Mais à un moment donné, George Lucas est arrivé là, je fais une parenthèse, là, mais c'est comme. Ça a l'air d'être une mode d'un podcast qui parle de technologie et tout ça. Harrison Ford, pas Harrison Ford, mais George Lucas est allé voir Steven Spielberg à un moment donné, puis Steven, il avait dit, regarde, moi, les extraterrestres, regarde, j'ai fait des films d'extraterrestres, c'est assez, j'aimerais ça passer à d'autres choses. Là, George Lucas, il dit, non, non, ça va être une bonne histoire, le monde va aimer ça, on va faire ça comme un vieux film des années 50, 60, puis ça fit très bien avec l'âge qu'Harrison a aujourd'hui, là, il aurait pas mal la bonne âge pour être dans cette période-là pour le film. Puis, à un moment donné, Steven il a essayé de convaincre George Lucas à dire, regarde, on va passer à d'autres choses, c'est les extraterrestres. George Lucas est revenu à Steven, il dit, ah, je suis d'accord avec toi, les extraterrestres, c'est passé date un peu. Fait que Steven était tout content, il dit, ah, merci, ça va, on va faire un bon film, c'est quoi ton histoire d'abord? Il dit, ben, il dit, au lieu d'être des extraterrestres, ça va être comme des êtres interdimensionnels. Ben, il dit, ils vont avoir de l'air d'extraterrestres, là, mais. Là, Steven Spielberg était un peu découragé. Finalement, il a fait le film pareil parce que son nom apparaît au générique, a quand même été le directeur du film. Mais je pense que jusqu'à la dernière minute, il a essayé de se battre contre cette histoire-là. Puis je pense pas qu'il y ait grand monde. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des pires Indiana Jones, le pire Indiana Jones de la série, là. C'est le quatrième. J'ai hâte de voir le cinquième. Ouais, le cinquième, on va voir ce qu'ils vont faire. On va le regarder quand même. Ouais, oh, oui. C'est fan fini, un jour, fan fini toujours. Ouais. Il sortirait quatre autres Star Wars, on irait voir quand même si les trois derniers ont pas été on n'a pas le choix. C'est ça. Bon, mais pour revenir à Transformers, on va fermer la parenthèse. Pour revenir à Transformers, je suis d'accord, ça devrait probablement être le dernier. S'ils en font un quatrième, est-ce que je vais aller le voir? Oui. Oui, je vais aller le voir. Je vais aller le voir aussi. On va peut-être être déçus, mais on va tout aller le voir quand même. Absolument. Mais oui, le troisième fermait bien la boucle. Les scènes d'action sont. Je trouve que ça a été mieux réalisé que les autres. J'ai eu l'impression, c'est peut-être juste moi, je l'ai vu en 3D. Je sais pas si tu l'as vu en 3D. Oui, je l'ai vu en 3D. Je sais même pas s'il se fait pas en 3D. Je sais pas s'il est disponible. Je l'ai pas vu. Pas en 3D dans les salles, peut-être. J'ai eu l'impression que c'était moins flou. On voyait plus un peu ce que les robots faisaient. J'avais l'impression que dans les deux premiers, c'était. T'avais de la misère à dissocier quel qui était qui. Mettons, Bumblebee se bat contre un Decepticon. T'avais de la misère à discerner à un moment donné quel qui était le méchant, quel qui était le bon, tellement que ça bougeait vite, puis c'était comme juste du flou. J'ai eu l'impression que dans celui-là, on était plus capable de discerner quel robot était lequel. Là. Dans quel clan, en fait. Dans quel clan qui était, lequel qui était le bon, quel qui était le méchant. Personnellement, j'ai bien apprécié. Simon, qu'est-ce que t'as pas aimé, vraiment? C'est toi, tu m'as dit que tu trouvais que le scénario était un peu mince. Ben, en fait, c'est peut-être parce que nous, on est adultes, donc regarde comme la passe avec les petits robots, là, ça me fait penser tellement à Star Wars avec Jar Jar, là. C'est comme, je sais pas, ils ont trop voulu essayer de les faire drôles, puis que c'est pas drôle. Je sais pas s'il y a une différence entre le voir en anglais. Moi, je l'ai vu en français. Moi aussi. Mais. Aussi, on l'a vu en français. Non, c'est ça. C'est que vraiment, le scénario fait que, bon, on sait que c'est des Transformers. On sait qu'il va y avoir, Megatron contre Primus. Regarde. Fait qu'il faut qu'ils travaillent autant. Il faudrait qu'ils arrêtent, dans le fond, de mettre l'emphase. Et ils vont mettre des animations, ils vont mettre, dans le fond, beaucoup d'effets spéciaux. Mais le scénario reste, regarde, on trouve une histoire, puis est-ce qu'on est rendu là avec l'histoire des Transformers 1, 2, 3 pour essayer de faire comme suivre une lignée où on touche vraiment à ceux qui ont vraiment marqué l'histoire des Transformers, puis on va exploiter. Mais j'ai trouvé, regarde, l'idée était bonne là, de savoir qu'on voulait faire venir toute leur planète Cybertron ici. Mais je sais pas, c'est comme. Tu sais que c'est des Transformers, tu sais que tu vas avoir de l'action, mais regarde, ils vont essayer de nous épater avec un gros ver géant et autres, mais regarde, c'est. Pour moi, c'est ça. Ça reste des robots. Je m'attends tout le temps, peut-être à trop, tout le temps à plus, mais regarde, la passe des petits bonhommes, là, pour moi, je l'aurais mis de côté, mais c'est parce qu'il faut qu'ils aillent chercher un public cible, c'est-à-dire peut-être aussi des enfants et autres, mais quoique c'est assez violent, comme mon copain, je l'ai regardé avec un de mes amis, il m'a dit, bon, ben regarde, mon enfant, moi, il l'a vu avec, il a vu le 1 et le 2, il a super aimé ça, mais le 3, il dit, quand il voit qu'on tire vraiment sur des humains, puis tu vois, oups, ils disparaissent, puis tu vois des crânes Ouais, exact. Il dit, ouais, je suis pas certain que celui-là va être fait pour mon enfant. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine limite d'âge, mais à un moment donné, quand tu es adulte, tu t'attends à avoir de quoi adulte, puis tu vois les deux petits robots qui essaient d'être comiques. Je sais pas, j'ai juste peut-être trop accroché là-dessus, mais en gros, pour moi, c'est ça. Fait que c'était un film correct, il y a de l'action, mais j'aurais pu voir Rambo 6, et pour moi, c'est ça. C'est pow, pow, pow, puis des effets spéciaux auxquels on s'y attend. Il y a vraiment rien de nouveau en tant que tel. Ils font juste présenter un personnage de plus. Qui est Sentinel Prime. Qui est Sentinel. Et puis, ça reste du même. Fait que pour moi, si vraiment ils veulent faire un quatrième, ben oui, malheureusement, je m'attends à ce qui m'épate. Soit que ça soit un autre scénario totalement, mais on s'attend encore à des effets spéciaux qui sont supposés nous en mettre. Mais je crois que oui, vraiment, Michael Bay semble blasé là-dessus, là. Ça va vraiment être à suivre. Tu nous reviendras là-dessus, voir si les rumeurs... Il va-tu changer d'idée, revenir? Ça va-tu être donné à quelqu'un d'autre? Ça ferait peut-être du bien de donner la licence à quelqu'un d'autre. Ce que je pense que oui. Qui pourrait reprendre ça, puis faire ça à un autre sauce, un peu. Parce que même Shia LaBeouf avait mentionné que lui aussi était tanné un petit peu des robots. Là, de savoir qu'il travaille dans le vide, ça doit pas être facile pour un acteur, là, quand même. Là, ouais, ben, c'est un peu le problème de toutes les films de science-fiction aujourd'hui. Ewan McGregor jouait dans Star Wars, il a détesté ça, mm-hmm. parce qu'il savait jamais où regarder, il savait jamais quoi faire, il savait jamais où que les choses étaient supposées être. Puis si vous avez acheté le dernier Star Wars, l'épisode 3, regardez le making of, regardez les petites parties qu'ils ont données de comment ils ont fait le film. Il y a des scènes qui se battent et du verre partout. Puis même ils mettent des petits collants sur les murs avec des chiffres puis des couleurs pour savoir où les décors vont aller. Ah oui, c'est quelque chose. Les acteurs là-dedans, ils n'ont aucune idée. Mais là, au moins, dans Star Wars, c'était Ewan McGregor. C'était Obi-Wan contre Anakin. Mm-hmm. Son ennemi était au moins en avant de lui. Ouais. Dans Transformers, je pense pas qu'ils ont bâti des robots de 40 pieds pour que Shia LaBeouf puisse les regarder dans les yeux. C'est vraiment, c'est tout du numérique. Oui, ça peut venir assez difficile. Mm-hmm. Moi, comme j'ai dit, je l'ai bien aimé. C'est sûr, certain que moi, j'étais allé là en m'attendant à être déçu. OK. Fait que peut-être que mes attentes étaient moins hautes que les tiennes. Mm-hmm. Parce que le deuxième, je l'avais pas détesté, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu... ça s'en allait un petit peu de travers à un moment donné. Certains sens de l'humour dans le deuxième film que j'ai trouvé qui était un peu pas pour les enfants. C'est un petit peu trop côté adulte. Là. Même, je veux dire, dans le deuxième, ça me surprend que ton ami ait trouvé qu'il était moins violent que le troisième, parce que dans le deuxième, on voit des Decepticons qui écrasent carrément des humains avec leurs pieds. Faut croire qu'il reste plus rien du tout après, parce que pour lui, ça l'a marqué vraiment. Avec les sons qui vont avec. Puis dans le troisième, je trouvais que oui, c'est quand même un peu violent, là. Un peu pas mal. Là. C'est un film d'action. Mais de voir des squelettes, je veux dire, oui, on a déjà vu ça avant. Mm-hmm. C'était quand même, je sais pas, pour moi, ça m'a moins marqué qu'entendre le crack, crunch. Puis tout ce qui va avec là, d'un Decepticon qui écrase un humain sur l'asphalte là. Fait que pour moi le deuxième, je l'ai vraiment pas aimé. Okay. Mais c'est ça, si j'avais une note à te donner sur le 3, moi c'est sûr que je donne un 6. C'est passable, là. Écoute, c'était à voir quand même, ça reste Transformer, mais pour moi c'est ça là. Je vais voir s'il va y avoir une suite à ça. De toute façon, je vais la regarder pareil. C'est normal, là, parce que je suis quand même un fan de technologie et autres. Là. Donc, écoute, puis Transformer, depuis qu'on est jeune, on aime ça. Là. Mais ça veut pas dire, j'espère en tout cas, qu'ils s'y en font un autre, là, qui va atteindre mes espérances, en fait. Là. C'est quand même le fun de voir les robots prendre vie, oui. Se transformer, puis tout. Puis ceux qui me connaissent savent que je suis un maniaque de Mustang, là, mais... Bumblebee dans Transformers, même s'il est une Camaro, il est capable de... Il est hot. Il est pas payé pantoute. Toi, tu donnerais une note de combien? Moi, je donnerais peut-être un 7.5. Peut-être un 7.5-8. J'irais plus vers le 8. Je trouve que ça finit bien l'histoire. S'il y en a un autre, ben là, moi je verrais peut-être un pré-épisode, un prequel, quelque chose qui se passe avant. Peut-être voir dans le passé encore? Peut-être voir la guerre sur Cybertron, c'est quelque chose qui nous a pas été. Ben, je crois que c'est encore ça qui pourrait nous préparer, là. Ça pourrait vraiment peut-être plus. Être bien. Pas nécessaire. Parce que le problème, c'est que tu serais avec une histoire pas d'humain. Fait que, est-ce que le monde regarderait un film de 2 heures où il n'y a pas de héros humains, puis juste regarder des robots se battre tout le temps? Je crois que oui. À la fin, ils vont faire un lien avec la Terre, j'imagine. Avec le grand-père de Witipititi. De Sam Witwicky. C'est ça. Hein, qui est un nom facile à se rappeler. Oh, oui. C'est sûr. Mais c'est ça. Toi, mais moi, je l'ai bien aimé parce que moi, j'ai jamais écouté Transformers dans mon enfance. C'était pas... tu sais, je suis une femme. Je suis pas un homme, donc j'ai jamais écouté les petits bonhommes. Transformers, ça m'a jamais intéressé. Donc moi, j'ai pas de bagage quand je regarde ces films-là. C'est des films d'action pour moi, tout simplement. Puis j'ai trouvé que le film commençait tranquille. Hein, on voit Shia LaBeouf qui se demande des questions existentielles, pas de job, il se sent comme pas à sa place. Donc ça commence tranquillement. Puis après ça, quand l'action part, ça arrête plus. Oui. Moi, je l'ai bien aimé. Pour moi, c'est un film d'action comme n'importe quel autre film d'action. Puis je l'ai trouvé très intéressant. J'aurais mis un beau petit 8, moi. T'aurais mis un 8 aussi. Bon, oui. On s'entend bien là-dessus. Fait que Simon, c'est plate pour toi. Ah. T'es tout seul de ton équipe? On peut pas toutes les aimer. Ben non, c'est ça. On va avoir d'autres films qu'on va pouvoir discuter plus tard. On va en voir d'autres, on va en parler. Des fois, on va toutes les avoir. Ça, celui-là, ça tombe bien. C'est un peu pourquoi on a choisi celui-là. Là, on l'a tous vu. Mm-hmm. On est quand même chanceux. La plupart des films que moi, je vois, Annick voit aussi. Sauf Harry Potter. Annick aime pas Harry Potter. Elle embarque pas là-dedans. Elle aime tout ce qui est magie, tout ça, mais Harry Potter, c'est pas quelque chose qui l'attire. Peut-être parce que c'est trop sombre. Ou... Trop sombre, trop négatif. Il y a de la magie, oui, mais il y a pas. Tu sais, c'est Harry Potter qui est le principal en principe. Je pense bien que c'est le rôle principal. Ben, c'est le titre mais du film, ben, ça c'est devrait... ça. Mais je le trouve pas principal, vu que c'est toujours comme c'est sa mère qui l'a protégé. C'est un sort de sa mère qui fait qu'il a survécu. Toutes les bonnes choses, ils sont jamais allouées. Donc, puis c'est noir. Ça, c'est de la magie, mais tabarouette. Ouais, c'est, l'univers est assez sombre. Mais c'est ça. Mais surtout. Moi, je viens de regarder en Blu-ray la première partie du dernier. Puis, je veux dire, c'est presque Hermione qui fait tout pendant la longueur du film. Je veux dire, Harry en fait un peu, mais c'est presque Hermione qui le sauve le plus souvent possible. Puis c'est elle qui semble la plus forte. C'est elle qui connaît la gang. C'est elle qui travaille le plus parce que c'est une mordue. Donc, c'est une moldue, c'est ça? Mordue en moi, j'ai tellement écouté que je sais même les mots, hein? C'est ça. Mais c'est ça, elle a de quoi à se prouver. Donc, c'est elle qui étudie, c'est elle qui apprend tous les sorts par cœur, c'est elle qui se pratique le plus. Ouais. Donc, elle a un gros rôle. Puis c'est elle qui se fait dénigrer par les autres aussi parce tout que le justement temps. Elle est moldue. Ouais. Mais c'est ça, peut-être qu'on va pouvoir vous parler du dernier épisode de ça. Puis, fait que ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long et vous allez nous écouter encore une prochaine fois. Dans le prochain épisode, qui devrait être là, à quelque part au mois d'août, j'ai pas de date encore précise parce que moi, j'aimerais bien attendre la sortie de Deus Ex Human Revolution pour en faire la critique. C'est un jeu que j'attends beaucoup. J'ai déjà précommandé mon édition augmentée, qu'on appelle, parce que dedans, il va y avoir un making-of que Denis Talbot a travaillé dessus. C'est lui qui a produit le making-of pour cool. Deus Ex Human Revolution. Puis ça a l'air que ça va être très bien fait, puis j'en doute pas. Normalement, ce que Denis touche, c'est assez intéressant. Son podcast est bon. Monsieur Net, j'écoute ça depuis des années, puis je m'ennuie jamais. Donc, j'ai bien hâte de voir le making of qu'il a fait. Simon, toi, dans le prochain podcast, tu vas nous parler? Ben, en fait, de ce que j'avais mentionné là, à propos de Eden Eternal, le jeu fait par qui a été acheté par Area Games. Okay. Et peut-être éventuellement, d'ici ce temps-là, ils vont sortir un bêta fermé de Lime Odyssey, qui est fait par la même compagnie taïwanaise. Okay. et donc qui a été acheté aussi par Air Games. On va voir ce qui va se passer d'ici temps-là, mais oui, je vais vous en parler en gros de qu'est-ce qui dans le fond distingue Eden Eternal des autres jeux dans le fond communément là, qu'on appelle les MMORPG. Là. Parce que Eden Eternal, c'est un que tu as accroché pas mal dessus. Ben c'est quand même bien là, c'est pas je vais pouvoir en parler plus longuement là, mais oui, on accroche, on aime ça, c'est ça va vite, ça va bien. Donc contrairement aux autres que ça prend plus de temps avant d'arriver à un tel niveau là. T'as l'impression d'accomplir quelque chose plus vite. Ouais, exact. Okay. Parfait, fait qu'on va parler de ça. Puis Annick va sûrement nous entretenir d'un jeu qu'elle va décider d'ici à ce temps-là là. Peut-être du site pogo.com. Du site Pogo, qui est un site qui est bien amusant pour le monde qui n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez jouer 5 minutes, 10 minutes, arrêter, faire d'autres choses. Il y a des jeux aussi que vous pouvez acheter qui sont faits comme ça. Annick va en faire une liste. Elle en joue pas mal. Elle en connaît beaucoup. Fait qu'elle va vous présenter des petits jeux là, que vous pouvez jouer 5-10 minutes, puis arrêter, puis recommencer plus tard quand vous voulez. Pour les pauses café. Parfait pour les pauses café, parfait pour... j'ai 5 minutes entre deux choses à maison, 10 minutes entre deux choses à maison, en autant que ça ne prend pas votre ordinateur 30 minutes pour démarrer. Là. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas si pire. Vous laissez-le toujours allumé si vous avez un ordinateur comme ça. J'en ai un comme ça. Puis, fait que c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires... des améliorations à nous des suggestions constructives si c'est possible vous pouvez me contacter sur Twitter. Mon nom Twitter c'est @scalazormo. Vous pouvez aussi contacter Simon sur Twitter qui est King of Abyss, donc @KingOfAbyss. Puis il y a Annick qui a aussi son compte Twitter qui est @Scalamité. C'est moi la grande trappe sur Twitter. Là. Moi, je tweet pas mal. T'es tweet? Je tweet pas mal. Simon est un peu nouveau là-dessus. C'est un peu de ma faute, puis un peu de la faute à Diablo 3, je pense, s'il y a un compteur. Ma conjointe a commencé à faire ça pour vérifier ce que je fais dans la journée à la cachette. Fait qu'elle me suit, puis elle voit toutes les niaiseries que je tape dans la journée. Ah, j'en apprends des belles! Tu sais, c'est ça. Fait que à Scalazormo, vous pouvez me rejoindre à scalazormo@gmail.com si vous avez des questions. Je vais créer un compte Gmail pour le podcast. Je le mentionnerai sur Twitter, je le mettrai sur notre blog qui est cjuap.tumblr.com. Là-dessus, on va mettre là, tranquillement les notes de l'émission d'aujourd'hui avec des liens et des choses comme ça. Vous allez retrouver aussi le podcast à travers cette émission-là. Puis, il devrait être sur iTunes, si tout va bien, au courant de la semaine. Mais si vous l'écoutez, c'est parce qu'il est déjà là. C'est merveilleux. C'est bien. C'est bien. Bon, on ferme là-dessus? On ferme là-dessus. Fait que merci de nous avoir écoutés. Merci. Comme j'ai dit, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se retrouve au mois d'août, comme je vous dis. Le prochain, c'est vraiment parce que moi, j'attends 12X. Après ça, on devrait probablement avoir des dates assez précises pour les mois d'après. Mais je vais vous tenir au courant pour la prochaine sortie du podcast au mois d'août. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et au revoir. Bonne journée à tous. Bye.